Bonjour à vous tous, merci d'être avec nous dans ce journal. Nous sommes le 1er juillet 2022, les grands titres de cette édition. À l'occasion de la célébration ce 1er juillet 2022 du 60e anniversaire de l'indépendance du Burundi, le président de la République a annoncé que la nouvelle politique salariale pour les fonctionnaires de l'État entre en vigueur à partir de ce mois de juillet. C'est aussi ce 1er juillet 2022 que la radio-télévision Isanganiro souffle sa première bougie. Son directeur ad intérim dit être satisfait par les programmes offerts par ce médium. Et certains riziculteurs de la province Gitega disent qu'ils ont un problème de manque de bonnes semences de riz. Nous appellerons notre correspondant. Et comme tous les vendredis, on vous propose une chronique environnement. Aujourd'hui, c'est la deuxième partie sur l'eucalyptus. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Bonjour. Le gouvernement s'est engagé à mobiliser les gens au travail. Le président de la République, Evariste Ndayishimiye, l'a redit dans son discours à la nation à l'occasion de la célébration du 60e anniversaire de l'indépendance du Burundi. Il a précisé que la nouvelle politique salariale entre en vigueur dès ce mois de juillet. Il avertit en outre tout fonctionnaire de l'État qui ne sera pas actif. Il dit qu'il sera démis de ses fonctions. C'est plutôt le président de la République Evariste Ndayishimiye traduit par Moïse Misago. Ubu tugiye gushira abantu bose ku kivi. Ku bakozi b'igihugu twarafashe ingingo ko udakora adakwiye impembo. Maintenant, nous allons désormais mobiliser tous les fonctionnaires. On aimerait avertir que tout fonctionnaire de l'État qui ne sera pas actif ne mérite pas le salaire, mais plutôt être limogé de sa fonction afin qu'il ne puisse pas continuer à mentir la population qu'il est à l'œuvre. Cela contribuera au développement économique du pays et à l'atténuation des tensions sociales ainsi qu'à la stabilité du pays. C'est dans ce cadre que le gouvernement a initié le budget programme pour améliorer la transparence et l'efficacité du budget. Désormais, la population pourra contrôler et suivre de près les réalisations du gouvernement à travers le Parlement. Le comité exécutif sera chargé de présenter la gestion du budget qui leur a été attribué. Celui qui n'aura rien à réaliser ne sera pas récompensé. Autre chose à vous informer est qu'il y a une loi régissant la diminution des disparités salariales et ce qui nécessite des corrections sera fait dans l'immédiat. Ce mois de juillet, la mise en application de la nouvelle politique salariale pour les fonctionnaires sera mise en exécution. C'est visible que tous ensemble, on pourra arriver loin. Dans 10 ans, on aura atteint nos objectifs. Les fonctionnaires seront satisfaits car plus la production augmente, plus les primes seront accordées. Nous voulons sensibiliser les décideurs à la prise de conscience de leur mission pour une remise et reprise efficace à la fin de leur mandat. À propos des fonctionnaires privés, il s'agit des agriculteurs, des artistes, des commerçants et autres, d'être de bons leaders qui se préoccupe du bien-être de toute la population dans la lutte contre la pauvreté. Le président de la République, Evariste Ndayishimiye. Certains habitants de la ville de Bujumbura trouvent que le Burundi n'a eu qu'une indépendance politique, mais qu'au niveau économique, il y a toujours à faire. Ceux qui se sont entretenus avec la radio Isanganiro déplorent les coupures répétitives du courant électrique ainsi que la pénurie d'eau potable dans beaucoup de quartiers de la mairie et demandent au gouvernement de trouver une solution à la vie chère que mènent les Burundais. Suivez son micro-trottoir. L'indépendance, nous l'avons eu dans le temps qui convient, parce que nous avons évolué dans beaucoup de domaines, dans l'agriculture comme ça. Pour le moment, nous pouvons quand même transformer beaucoup de produits, des suppléments alimentaires qu'on trouvait avant à l'étranger. Nous voyons que le Burundi a déjà eu une indépendance. Il y en a des Burundais qui se disent que le Burundi est pauvre, alors que nous avons beaucoup de richesses au Burundi. Nous avons beaucoup de rivières qui peuvent quand même irriguer des champs comme ça. Si nous exploitons convenablement, le Burundi peut être vraiment un pays très riche. L'indépendance est un pas franchi au Burundi. Exemple, tout citoyen a droit de pratiquer le commerce et toute autre activité librement. Cependant, les Burundais font face à la hausse de prix d'eau d'arrêt, première nécessité, ce qui est obstacle à cette indépendance. Ainsi, le gouvernement pourrait s'y impliquer pour normaliser la vie de Burundi. Au niveau sportif, moi je suis très fier d'avoir la qualification de nos filles à la Coupe d'Afrique des Nations. C'est la première fois depuis l'indépendance, si je ne me trompe pas. Auparavant, on avait l'interscolaire, l'interfac à l'université. Maintenant, on ne voit plus, je ne sais pas pourquoi. Par exemple, si l'interscolaire école primaire, il y avait Saint-Michel, ADP, c'est ça. Les petits là qu'on détectait et puis qui allaient directement au championnat Vitaro Junior, Dynamique Junior, Presse Louis Junior. Mais là, il n'y en a plus. Je pense que la Fédé ou le ministère doit faire un effort pour que ce système-là vienne. Le Burundi, il y a 60 ans, a retrouvé sa souveraineté, quelque chose de louable, mais il y a des défis, notamment les défis économiques. Chaque jour, les prix de première nécessité ne cessent de monter. Dans la ville de Bujumbura, beaucoup de délistages, manque d'un client dans certains quartiers, notamment là où on habite à Gihosha. On a retrouvé l'indépendance politique, mais il faut aussi qu'on rehausse le niveau de vie de la population. C'était le micro-baladeur de la rédaction Isanganiro, promené dans les rues de Bujumbura. Bujumbura, où ont eu lieu la célébration du 60e anniversaire de l'indépendance du Burundi au niveau national, précisément sur le boulevard de l'indépendance. En mairie de Bujumbura, et c'est le président de la République, Evariste Ndayishimiye, qui présidait les cérémonies. Et comme invité de marque venu de l'étranger, nous notons la présence du président de la République centrafricaine et celui de l'île de Zanzibar. Les cérémonies de la célébration de l'indépendance du 60e anniversaire de l'indépendance de notre pays dans la province de Karoussi se sont déroulées au stade moderne encore en construction au chef-lieu de cette province. Et certains participants disent qu'ils sont très satisfaits de cette décision de se prêter provisoirement sur le terrain moderne pour abriter ces cérémonies. C'est au moment où d'autres fêtes nationales se déroulaient dans une commune sur des terrains exigus depuis une année après destruction des infrastructures qui s'y trouvaient. Ces habitants signalent qu'ils sont satisfaits de l'état d'avancement de construction de ce stade moderne de Karoussi depuis 6 ans par la population de cette province. Cette population qui y a donné différentes contributions espère la fin des travaux de cet ouvrage public d'ici peu. Il est 13h04 à Bujumbura. Captez Isanganiro, écoutez la différence. La télévision Isanganiro vient de passer une année à diffuser ses émissions. Le directeur ad intérim de la radio-télévision Isanganiro fait une appréciation positive des services rendus à la nation. Alain Désiré Bokeyeneza fait remarquer qu'aujourd'hui, les Burundais peuvent regarder à la télévision les programmes qu'ils écoutaient uniquement à la radio Isanganiro. Il appelle ceux qui veulent publier leurs produits à nouer des partenariats avec la télévision Isanganiro. Suivez-le. Il y a une année, la télévision Isanganiro a débuté l'émission de ses programmes. C'était le 1er juillet 2021. C'est un sentiment de satisfaction pour nous parce que c'est un canal qui s'est ajouté aux canaux qui étaient utilisés par Isanganiro pour la diffusion de ses informations. Parce que avant la télévision, on était déjà sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram. Donc, c'est un canal qui s'est ajouté, ça a été notre développement et ça a été notre satisfaction. Nous sommes tout au début, nous savons que nous devons fournir des efforts, nous devons former nos journalistes, former nos experts d'image, doivent être informés pour que les informations que nous diffusons soient des informations qui sont traitées de manière plus professionnel. Nous devons donc fournir ces efforts afin que ceux qui nous suivent, nos téléspectateurs, soient satisfaits. Et c'est pour cette occasion également que nous appelons différents partenaires qui ont besoin de faire connaître leur programme, leur projet, de venir travailler avec nous. La télévision Isanganiro est là pour tout le monde, pour tout le pays, pour toute personne qui veut faire savoir ses programmes. Et c'est pour l'occasion de dire merci à ceux qui sont déjà aux côtés d'Isanganiro et nous appelons d'autres de venir travailler avec nous. Alain Désiré Bukeneza, directeur ad intérim de la radio-télévision Isanganiro. Le gouvernement du Burundi a annulé la licence exclusive en faveur de la société Proserve qui portait sur l'exploitation et la gestion de la zone économique spéciale de Warubondo. Cette société est accusée de non-respect des engagements contractuels et cela a été analysé au Conseil des ministres tenu mercredi de la semaine en cours. Cette zone sera confiée à un nouvel acquéreur qui en a la capacité technique et financière. Suivez à ce propos Prosper Nhorgwami, il est secrétaire général et porte-parole du gouvernement dans cet extrait du compte-rendu de ce Conseil des ministres. Depuis la signature de ce contrat, force est de constater que la société Proserve n'a pas honoré ses obligations contractuelles, si bien que la zone économique spéciale n'est pas encore opérationnelle jusqu'aujourd'hui. Pourtant, au terme de ce contrat, Proserve s'était engagé à commencer les activités de mise en place de la zone dans un délai ne dépassant pas 3 mois après la signature du contrat. En date du 23 mars 2021, une mise en demeure a été adressée à la société Proserve pour lui rappeler à honorer ses obligations. En date du 8 septembre 2021, le Conseil des ministres a analysé une note sur les mesures urgentes à prendre pour prévenir un éventuel dysfonctionnement de la zone économique spéciale Warubondo et les décisions suivantes ont été prises. Le ministère en charge du commerce en collaboration avec le ministère de la Justice vont procéder à la résiliation du contrat entre Proserve et le gouvernement du Burundi pour non-respect des termes du contrat par la société Proserve. Celui qui a construit le marché dans la zone va signer une autre convention avec le nouvel acquéreur. Il faut préparer le cadre légal régissant les zones économiques spéciales. Il faut procéder à la viabilisation du site. Le ministère en charge du commerce, en collaboration avec celui des infrastructures et celui de l'hydraulique, vont élaborer un plan d'aménagement et d'occupation du site de Warubondo suivant les secteurs d'activité. En vue de mettre en exécution ces recommandations, il a été procédé à la résiliation de ce contrat en date du 18 avril 2022 afin de confier ce projet à un nouvel acquéreur qui a honoré les capacités techniques et financières. Il s'impose d'annuler la concession du site Warubondo qui avait été accordée à la société Proserve et par le retrait de la licence exclusive conférant l'autorité de gestion à la société Proserve. Après échange et débat, le Conseil des ministres a recommandé de revisiter le contrat pour analyser en profondeur les engagements de chaque partie et vérifier systématiquement les manquements de chacune des deux parties. Prosper Nhorgwami, secrétaire général et porte-parole du gouvernement. Certains riziculteurs de la province de Gitega disent qu'ils ont un problème de manque de bonnes semences de riz. Ils se contentent des semences achetées au marché et qu'ils se partagent entre eux. Ils ajoutent que cela donne comme conséquence une réduction de la production rizicole. Et à ce propos, le directeur de la production végétale au bureau provincial de l'environnement, de l'agriculture et de l'élevage à Gitega les invite à acheter des semences sélectionnées à l'ISABU, l'Institut d'agronomie du Burundi. Correspondance de Gérard Nibikira. Les riziculteurs des communes Guieta, Makebuko et Bukirasazi de la province de Gitega, avec qui nous sommes entretenus, réclament l'obtention de bonnes semences de riz dans la mesure où actuellement ils font recours aux semences de riz qu'ils achètent au marché ou qu'ils se partagent entre eux. Ils précisent que ce genre de semences ne sont pas du tout productives. Ils proposent en outre que toutes semences de riz soient d'abord expérimentées dans leur localité territoriale avant sa diffusion à travers les riziculteurs. Cela parce que les semences de riz qui leur ont été distribuées avant l'année dernière ont été sanctionnées par un très mauvais rendement, ce qui les a poussés à désormais semer actuellement leurs propres semences. En plus de cela, ils réclament l'aménagement des marais rizicoles non encore aménagés afin d'avoir de très bonnes récoltes. De son côté, Denis Nibigira, chargé de la production végétale au bureau provincial de l'environnement, de l'agriculture et de l'élevage à Gitega, propose à ses riziculteurs d'acheter les semences du riz à l'Isabou. Quant aux riziculteurs qui utilisent les semences d'autres venants, je leur conseillerais de s'adresser à nous, les cadres du BPAE Gitega, pour leur montrer où acheter les semences. Ce n'est pas très loin, il faut acheter les semences à l'Isabou. À l'Isabou, il y a les semences de base qui sont des semences de très grande qualité, qui sont indemnes de maladies, qui peuvent donner un meilleur rendement et qui sont adaptées à notre altitude, qui est la moyenne altitude. Vous sauriez que le nombre des riziculteurs augmente chaque année dans la province de Gitega. Depuis Gitega, Jean Ibgira pour la radio Isanganiro. Merci Gérard. Et plus de 5000 plants de bambou ont été plantés ce jeudi du côté de Marangara en province de Ngozi sur la frontière avec le Rwanda voisin. Cette activité a été organisée par le programme Ewebrundura Mbaye pour protéger les berges de la rivière Kanyaru qui, pendant la période pluvieuse, sont menacées d'érosion. Les autorités locales de Ngozi saluent l'initiative du gouvernement en matière de protection de l'environnement. Un reportage d'Evariste Nzikobanyanga de retour de Marangara. C'est au bord de la rivière Kanyaru, dans la vallée de Tchongore, en zone Giheta, de la commune de Marangara, en province Ngozi. Ce jeudi, des jeunes et adultes étaient venus nombreux planter des plants de bambou sur les rives de cette rivière pour l'empêcher d'inonder et de déformer la frontière avec le Rwanda voisin. Nous sommes venus planter les bambous pour protéger les rives de la rivière Kanyaru. Pour pallier cette problématique, le programme Ewebrundura Mbaye nous a amené les bambous à planter sur les rives de la Kanyaru. Nous sommes venus pour protéger nos cultures vivrières. Cette action va diminuer les inondations. Cette activité qui s'inscrit dans le cadre du programme Ewebrundura Mbaye n'est pas seulement apprécié par la population de Marangara. L'autorité provinciale d'Ngozi, Emmanuel Nachonsanze, accueille à bras ouverts cette initiative du gouvernement. Cette initiative du gouvernement vient renforcer la protection de l'environnement ici dans la province d'Ngozi. On a sensibilisé la population quitte à ce qu'elle réponde massivement et positivement à cet appel. Généralement, la population de la province d'Ngozi rentre parmi les premières qui protègent l'environnement, sauf que dans les cas rares, nous avons une petite portion qui ne voit pas de bonne image la protection de l'environnement, mais on continue au quotidien à sensibiliser la population pour protéger notre environnement. Le président du comité technique du programme Ewebrundura Mbaye est satisfait de l'état d'avancement de ce dernier malgré quelques défis. Depuis la création de ce programme, le programme est étalé sur une période de 7 ans. Actuellement, nous sommes presque à la moitié. Le programme avait l'objectif de planter 21 millions d'arbres sur tout le territoire national, y compris le long des rivières qui matérialisent les frontières avec les pays voisins. Pour le moment, nous avons déjà planté plus de ces 20 millions d'arbres. Donc, nous sommes satisfaits des réalisations de ce projet. Le général-major Marius Ngindamanga exhorte la population et les partenaires locaux à rester vigilants pour la sauvegarde de ces bambous dans l'optique de protéger les rives de la Kanyaru, car il a été constaté que certains agriculteurs les arrachent pour agrandir leurs champs agricoles, a-t-il ajouté. 5500 jeunes plants de bambous ont été plantés ce jeudi sur les rives de la Kanyaru en commune Marangara, frontalière avec le Rwanda voisin. Evariste Nzikobanyanga et actualité en bref internationale avant la chronique environnement. La Cour pénale internationale établie à La Haye aux Pays-Bas fête ses 20 ans ce 1er juillet. La CPI chargée de juger les auteurs de génocide, de crimes contre l'humanité et crimes de guerre et sous certaines conditions, les crimes d'agression. Cette cour permanente n'est toujours pas parvenue à acquérir la reconnaissance universelle. Aujourd'hui, 123 États y ont adhéré, mais elle ne compte dans ses rangs que deux des cinq membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, à savoir la France et le Royaume-Uni. Radio Isanganiro, chronique environnement. L'eucalyptus a une grande importance pour la vie de la population burundaise. L'expert en environnement André Douimana précise que cet arbre est utilisé dans plusieurs domaines, dont la construction. Il pousse surtout le territoire national. Cependant, il appauvrit le sol puisqu'il demande beaucoup de nutriments pour sa croissance. Les détails avec Vestine Boutoy. L'eucalyptus pousse surtout le territoire national. Il a plusieurs variétés si on tient compte de leurs feuilles. L'expert en environnement et professeur à l'Université du Burundi, donne l'exemple de l'eucalyptus grandis. L'eucalyptus est un genre qui est très varié en espèces. Si on regarde dans ces régions natives, c'est-à-dire en Australie, on a jusqu'à 700 espèces. Au Burundi, on a plus d'une dizaine d'espèces qui ont été introduites. Il y a l'eucalyptus maïden, il y a l'eucalyptus urophila. L'eucalyptus est bénéfique pour la population. André Douimana précise qu'on l'utilise dans plusieurs domaines, entre autres la construction. Quand vous regardez le bois aujourd'hui, plus de 80% du bois utilisé, c'est de l'eucalyptus. Quand on regarde le charbon de bois, quand on regarde les bois de construction, quand on regarde les planches, quand on regarde même au niveau des objets d'art, on voit que c'est l'eucalyptus qui domine. Et quand on regarde au niveau des plantations, vous allez voir aussi que c'est l'eucalyptus qui domine, que ce soit même au niveau des plants qui sont produits. Aujourd'hui, l'eucalyptus procure beaucoup d'avantages à la population en termes de revenus, en termes d'emploi. Vous verrez qu'il n'y a pas jusqu'à présent une autre espèce qui peut rivaliser l'eucalyptus. Et si on regarde aussi sur le côté environnemental, on vous a montré qu'il y a aussi des avantages. Quand il faut planter des arbres dans des zones qui sont arides, quelle est l'espèce qui est capable de supporter ces conditions? C'est l'eucalyptus. Quand on regarde des espèces qui rejettent, quand on regarde les espèces qui protègent les talus, c'est l'eucalyptus. Cependant, cet expert en environnement affirme que cet arbre cause des effets environnementaux, comme l'appauvrissement du sol. Les inconvénients, l'eucalyptus est reproché d'utiliser beaucoup de nutriments, et c'est juste. C'est-à-dire, c'est une espèce qui croît rapidement et qui utilise beaucoup de ressources. Donc, qui appauvrit le sol. Dans les boisements, il y a moins de diversité. Et ça, c'est normal. L'expert en environnement André Douimana conseille à la population burundaise de choisir parmi des eucalyptus l'espèce convenable pour enfin être plantée dans un endroit qu'il faut, dans le but de minimiser les inconvénients liés à cet arbre. Merci Vestine Utoyi, merci professeur André Nouimana pour ces éclairages. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Ce journal a été mis en onde par François Akimana. Au micro Jean Bosco Nouimana, passez un très bon après-midi.